Sans de l'invisibilité, la matrice d'une pureté merveilleuse efflorescence que souffle l'essence d'un moi cinquième. Arcane de la création. Première créature à avoir répondu à l'appel de l'illuminé de l'Est et j'aimai l'air naissance d'une femelle démiurge. Reçois mes humbles louanges, ange de genèse et de sérénité. Car ton chemin divin est tracé sur tes mains, toi la noble sœur de l'aubépine.